Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Toute chose renferme deux principes naturels de vie appelés yang et yin, chaleur primordiale et humide radicale, dont les esprits, l'air et le sang sont les véhicules. Ces deux noms, yang et yin, ont servi à composer le nom de l'homme qui se dit jin. Principes essentiels à l'existence, ils doivent être dans un équilibre constant, un accord, une union parfaite. De leur altération, de leur corruption, de leur désunion, naissent les troubles et les affections morbides. Yin et Yang, principe naturel de vie, esprit de l'air, voilà ce que peuvent lire les lecteurs curieux, les médecins et les malades qui tiennent entre leurs mains un livre paru en 1863, La médecine chez les Chinois, un ouvrage du capitaine Philibert d'Abry de Tiercent, qui est alors consul de France en Chine. Un diplomate, un militaire qui s'intéresse à la médecine, d'y entre. Mais le lecteur est rassuré, le livre a été supervisé par Jean-Léon Soubéran, professeur à l'école de pharmacie de Montpellier. Car au-delà des distances et des cultures, soigner les troubles et les affections morbides est une préoccupation universelle. Dès lors, la médecine chinoise, souvent présentée comme millénaire, attise la curiosité. Quels sont ses secrets, ses mystères, ses recettes? Sur quels principes repose cette science qui fascine l'Europe? Au XIXe siècle, alors que les Européens tentent de s'imposer dans la Chine impériale, c'est la guerre de l'opium, et que les Français pillent le palais d'été, d'autres sont émerveillés par la médecine chinoise. La Chine dédaignée et la Chine admirée, c'est le yin et le yang de notre regard sur la médecine chinoise. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, quand il s'agit de soigner les corps, que peuvent nous apprendre les pratiques venues de loin, venues d'ailleurs, venues d'il y a longtemps? Alors nous avons déjà regardé ce qu'il se pratiquait, les rituels en Amazonie, en Afrique et même en Europe, pour observer ces rituels de guérison. Et puis dans la Grèce et dans la Rome antique, à la rencontre d'Hippocrate et de Galien. Et aujourd'hui, nous partons en Chine pour une longue histoire de la médecine. Avec vous, Frédéric Aubringer, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, chercheur au CNRS. Frédéric Aubringer, vous êtes l'auteur de L'aconite et l'or piment, drogues et poisons en Chine ancienne et médiévale. Mais qu'est-ce que sont ces produits terrifiants? Ah, c'est absolument terrifiant, en effet. L'aconite, c'est une plante extrêmement toxique, mais quand on sait l'utiliser, ça devient un médicament. C'est la vieille histoire du pharmacone, c'est-à-dire à la fois poison et remède. Et puis l'or piment, c'est une substance minérale qui était utilisée aussi en médecine. D'accord. Et puis vous êtes l'auteur du dictionnaire de la Chine contemporaine paru chez Armand Collin en 2006. Et je trouve justement que cette confrontation de deux titres montre bien en fait l'histoire de la médecine chinoise, parce que c'est vrai qu'il y a cette fascination sur le côté très ancien de la médecine. Et ça, en fait, c'est plutôt une construction qui nous va très bien parce que nous aimons tout ce qui est ancien, tout ce qui est un peu mystérieux. La médecine chinoise a une histoire. Ce n'est pas quelque chose qui vient du fin fond des âges et qui aurait comme ça traversé les siècles. En fait, il y a vraiment une histoire que vous avez pu croiser, étudier, vous, Frédéric Aubringer. Oui, ça a une histoire. C'est disons, entre le 12e, 11e siècle avant Jésus-Christ, on retrouve déjà des signes montrant qu'on s'occupe des maladies et puis qu'on les nomme. Et puis, petit à petit, la conception de la maladie, de la thérapeutique a évolué. Alors, d'une certaine façon, il y a toujours eu de la médecine en Chine, mais entre le 12e siècle avant Jésus-Christ et 2020, évidemment, il y a une grande évolution. Évidemment, il y a une grande évolution, mais cette ancienneté de la médecine chinoise renforce aussi son prestige. La Chine est fière de pouvoir dire notre médecine est ancienne. Et ce qui est un élément aussi important qui permet de comprendre pourquoi l'on regarde souvent cette ancienneté de la médecine chinoise. Frédéric Aubringer, vous évoquez une datation, une temporalité extrêmement large. Nous sommes des dizaines de siècles avant le nôtre. Donc, nous pouvons plonger loin dans l'Antiquité pour comprendre cette médecine-là. Cette médecine, elle repose sur des textes en plus. Donc, il y a une datation possible. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, au sujet de cette fascination pour l'ancienneté, qui existe évidemment en Chine, on pourrait dire presque affirmer la gloire de la culture, de la civilisation chinoise, hein, ça, c'est quelque chose d'important. Mais même vis-à-vis du public occidental, hein, puisque désormais la médecine chinoise a pignon sur rue, hein, chez nous, avec surtout l'acupuncture. Eh bien, justement, au sujet de ces grands textes qu'on a, il y en a un qui est très célèbre, c'est le Huang Ti Neting, c'est le classique interne de l'empereur jaune. Alors, l'empereur jaune, bon, c'est un empereur mythique qui aurait vécu il y a très très très très longtemps, ce qui fait que parfois on voit dans la présentation des sources, chez des gens peut-être un peu naïfs ou malhonnêtes, dire, ah ben voilà, vous voyez, la médecine chinoise date de, je sais pas, 5000 ans. Tout ça parce que dans le titre, il y a Huang Ti Neting, Huang Ti, l'empereur jaune, mais ça, c'est une habitude qu'on avait en Chine pour, c'est une sorte de, comment dirais-je, de publicité autour des titres, hein, qui existait déjà. Il y a un autre traité de pharmacopée, on pourrait dire, le Shannong Pengshaoting, qui est le premier traité sur l'emploi des drogues, aussi bien végétales qu'animales ou minérales, qui datent en gros du 1er siècle après Jésus-Christ. Et Shannong, c'est un autre empereur mythique qui a l'origine, entre autres, de la création de l'agriculture, et qu'il aurait goûté un certain nombre de plantes, il aurait trouvé des poisons et tout ça. Et là aussi, on dit, ah bah, vous voyez, cette médecine, elle date d'il y a 5000 ans, ce qui n'est pas tout à fait exact, évidemment. Ce qui n'est pas tout à fait exact, effectivement. Quand on réfléchit à cet empereur jaune, nous remontons au 28e siècle avant Jésus-Christ, ce qui mène à Oui, très c'est loin. ça, Ça donne le vertige, un vertige chronologique. En fait, cet ouvrage, le classique interne de l'empereur jaune, c'est un dialogue entre l'empereur et son médecin qui bâille. Cet ouvrage, je vous propose une lecture d'un tout petit extrait d'un texte, en fait, donc, que l'on fait remonter à tant de siècles avant notre ère, en fait, qui aurait été rédigé un tout petit peu plus tard, c'est-à-dire au 4e siècle, au 1er siècle avant Jésus-Christ, plutôt dans cette période-là. C'est une lecture par Élodie Hubert. Moi qui suis le chef d'un grand peuple et qui devrais donc en percevoir des impôts, je constate avec affliction que je n'en perçois point parce que mon peuple est malade. Je veux que l'on cesse d'administrer des remèdes qui rendent mon peuple malade pour n'employer désormais que des aiguilles de métal. Il faut que des lois soient définies et transmises aux générations futures, qu'on ne les oublie surtout pas et qu'elles soient faciles à appliquer. Un extrait du classique interne de l'Empereur jaune, lu par Élodie Hubert dans le cours de l'histoire sur France Culture, Frédéric Aubringer. Nous entendons dans ce texte ancien, qui date de plusieurs siècles avant Jésus-Christ, que l'on évoque des aiguilles de métal. Tout de suite, ça nous fait penser à l'acupuncture. Quels sont les tenants de cette médecine chinoise? Qu'y a-t-il de particulier? L'acupuncture, par exemple, est quelque chose qui est spécifique à la médecine chinoise? Oui, déjà, au sujet du Huang Ti Neting, hein, de ce fameux texte, qui est, on présente souvent une sorte de bible de la médecine chinoise, c'est évidemment pas le livre d'un seul auteur. Au sein de ce livre, il y a des passages qui datent, en effet, peut-être de quelques siècles avant Jésus-Christ, mais c'est quand même plus tardif en général. On a même des passages qui datent certainement du 6e, 7e siècle après Jésus-Christ. Hein, c'est un livre très, très complexe. Alors, pour ce qui est de l'acupuncture, on a fait un certain nombre de découvertes archéologiques depuis les années 1970, hein, en Chine. C'est-à-dire qu'on a retrouvé des textes anciens dans des tombes. Et on sait que ces tombes n'ont pas été ouvertes. Alors, ce sont des manuscrits, hein, sur bambou, sur soie, Et ça a permis de préciser les histoires de développement, par exemple, de l'acupuncture. Et d'après l'analyse de ces textes, on est à peu près sûr que l'acupuncture ne commence quand même que pas avant le deuxième siècle avant Jésus-Christ. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que c'est mis en place à ce moment de l'Antiquité chinoise, une vision du corps, une vision de la maladie, qui est ce qu'on a pu nommer une sorte de cosmologie corrélative avec, vous avez par exemple, il y a un système de correspondance entre les organes, les autres parties du corps, mais aussi les saisons, les orients, les saveurs, les couleurs, etc. Et puis, il y a cette notion qu'on traduit aujourd'hui par énergie ou souffle, le chi, hein, le chi kong, bon, c'est quelque chose de bien connu aujourd'hui, et qui est vraiment le souffle vital, l'énergie vitale. Et donc, il y a cet ensemble de conceptions, il y a la mise en place d'une sorte de système médical, de conception du corps et de la maladie, qui permet aussi un certain nombre de pratiques thérapeutiques, dont l'acupuncture. Ce qu'on sait, c'est que avant l'acupuncture, parce que ça a été retrouvé dans les tombes, il y a un autre mode de traitement qu'on appelle la moxibustion. Hein, on fait brûler des petits cônes d'armoise sur certaines parties du corps, et qui sont à peu près les mêmes points qui sont utilisés par les acupuncteurs. Et ces points se trouvent sur des canaux à la surface du corps. Et l'idée fondamentale, c'est que en agissant sur tel point d'acupuncture ou de moxibustion, eh bien, on va pouvoir avoir une action sur des organes assez lointains, internes. Donc, il y a une action à distance. Et puis, cette action qui va permettre d'harmoniser de nouveau la circulation de ce chi. Parce que, idéalement, le corps en bonne santé, il est parfaitement harmonieux et la maladie vient d'un déséquilibre. Donc, l'idée avec les aiguilles ou la moxibustion, c'est-à-dire de stimuler certains points, c'est de rétablir cet équilibre. Oui, c'est la conception du corps, en fait, qui est essentielle pour comprendre la médecine chinoise. Si l'on met de côté la conception de ce corps, les équilibres, on ne peut pas comprendre à quoi servent. Alors, l'acupuncture, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, nous connaissons, vous avez évoqué, Frédéric Aubringer, la moxibustion, donc le fait de brûler hein, des petits bâtonnets d'armoise, une plante qui est odorante, qui est bien connue en Corse d'ailleurs, parce que c'est une des plantes fétiches de la Corse. Mais c'est cette conception du corps qui est vraiment intéressante. Et donc, ici, nous sommes sur un regard qui est complètement différent d'une autre. Ces équilibres-là, en fait, nous pouvons dire que ils sont nécessaires, mais ils sont naturels au corps, et ce sont ces équilibres qui se perdent et qu'il faut retrouver. En fait, ça, c'est la base de la médecine chinoise. Oui, d'une certaine façon, enfin de la médecine chinoise. Vous voyez, si j'avais mauvais esprit, je dirais que auparavant, hein, la conception de du corps, avant cette antiquité chinoise proche, hein, c'est-à-dire deuxième siècle avant Jésus-Christ, deuxième après, mais auparavant, la conception du corps était certainement différente, et aussi, par voie de conséquence, la conception de la maladie. Pendant très longtemps, on a considéré que la maladie était due à la possession par des entités démoniaques. D'où l'utilisation après presque d'exorcisme. Et cette conception, petit à petit, a été remplacée à ce moment-là par une conception que je nommais tout à l'heure de cosmologie corrélative, où il y a idéalement cet équilibre du corps en harmonie avec le cosmos, hein, puisque tout est relié. C'est ça qui est fondamental, c'est que c'est pas tant la partie qui est importante, mais les relations de la partie avec l'ensemble du cosmos. Et puisque nous sommes dans une émission d'histoire, Frédéric Aubringer, c'est vrai que la chronologie nous intéresse, les évolutions, et quand il s'agit de médecine, évidemment, il n'y a pas de rupture nette, c'est-à-dire que une vision où il faut lutter contre les démons, donc qui nécessite d'appeler des sorciers, des chamans, et puis une vision plus théorique avec une cosmologie peut cohabiter. Ça doit dépendre également des régions. La Chine est un territoire immense. Ça dépend également où l'on se trouve dans la société. Les évolutions sont très lentes, j'imagine. Il n'y a pas de datation précise sur ces questions-là. Est-ce qu'il est possible pour l'historien de percevoir, en fait, ces différentes évolutions, de saisir comment les choses peuvent évoluer? Oui, c'est tout à fait possible. Pour revenir à cette histoire, par exemple, de conception, les histoires de démons, d'exorcisme, pendant la dynastie des Tang, c'est entre le 6e et 10e siècle après Jésus-Christ, il y avait un bureau de médecine impériale. Il y avait 4 sections. La médecine générale, on pourrait dire, les acupuncteurs, les masseurs, mais aussi la 4e, c'était les exorcistes. Alors vous voyez, ce qui est fondamental, je crois, on arrive très très bien à saisir ça avec les textes qui nous sont parvenus en Chine, c'est que une conception ne remplace pas définitivement une autre, c'est-à-dire que c'est superposé. Et on pourrait dire que jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est encore le cas. Hein. Il y a le fameux pluralisme médical. On peut avoir une conception du corps liée à la biomédecine, mais qui n'exclut pas de concevoir le corps d'une façon différente en même temps. Et cette conception du corps va de pair avec d'autres pratiques, d'autres connaissances, tout simplement. Vous avez cité, Frédéric Aubringer, une plante, l'armoise, en évoquant la moxibustion. J'adore ce mot, hein. C'est le fait de brûler un peu des petits bâtonnets d'armoise à certains endroits du corps, qui correspond un peu à ce qu'on fait avec l'acupuncture. Mais ça veut dire que la recherche autour des plantes, de l'utilisation des plantes, et donc cela nous conduit à la pharmacopée, est quelque chose aussi qui est importante dans la manière dont les Chinois du temps passé, et sans doute aujourd'hui encore, soignaient les corps. Oui, bah pour ce qui est de la thérapeutique, il est vrai que pour nous autres occidentaux, la médecine chinoise s'est imposée, disons, à partir du XXe siècle, hein, d'une façon pratique, par le biais surtout de l'acupuncture. Mais pour ce qui est des traitements en Chine même, bon, c'est probablement quand même le recours à la pharmacopée, hein, qui est le plus important. Et là, il y a une très très très vieille, très très importante, ce qu'on peut appeler tradition, autour de l'utilisation de à la fois des plantes, mais aussi des minéraux, hein, et des parties aussi des drogues d'origine animale. Donc ça, c'est on a des textes, hein, depuis très longtemps, hein, depuis l'Antiquité chinoise, et des textes qu'on appelle des pencao, ce sont on pourrait dire des traités de matière médicale, de materia medica, qui décrivent les plantes, leurs propriétés thérapeutiques, la façon de les préparer, et puis qui donnent après un certain nombre de recettes, de prescriptions contre des maladies. Et puis, il y a un autre aspect, dès que nous pensons à la médecine chinoise, et j'utilise le terme générique, hein, mais c'est ce rapport que le patient peut avoir avec son médecin. Je vous propose d'évoquer cet aspect à travers un film qui s'appelle La Crise. Et oui, le film de Colin Serrault, c'était en 1992. Tu sais comment ça se passe, la médecine en Chine, non? 4 fois par an, toute la famille va voir le médecin. Le type les soigne, c'est-à-dire qu'il cherche chez les gens en bonne santé les points faibles qui pourraient devenir des maladies plus tard. Il leur fait des points d'acupuncture, il leur donne des plantes, des corrections de régime, il rééquilibre la machine, on le paye et on s'en va. Pour eux, c'est ça la médecine. C'est empêcher qu'on tombe malade. Par contre, si quelqu'un tombe malade, alors là, le médecin doit venir chez lui, le soigner, et pour ça, on le paye pas. Parce que ça, c'est pas de la médecine. Ils disent que soigner la maladie quand elle est là, c'est comme si on se mettait à fabriquer des armes après avoir déclaré la guerre, ou à creuser un puits quand on a soif. Ça marche pas, fallait y penser avant. Alors le médecin chinois, il a vachement intérêt à ce que les gens se portent bien parce que c'est les biens portants qu'il paye. Les malades, ça lui bouffe son temps, ça lui rapporte pas un rond. Alors s'il a trop de malades, il est ruiné le mec. Et puis les gens disent, il a beaucoup de malades, c'est un mauvais, on va pas chez lui. Un extrait de La Crise de Colin Serrault en 1992 où il est question du rapport du médecin à son patient dans la Chine avec cette idée que le médecin est payé tant que le patient est en bonne santé, qu'il n'est plus payé si le médecin est malade, oui, parce qu'il n'a pas réussi à faire son travail. Dites-nous, Frédéric Aubringer, est-ce qu'il s'agit là d'un cliché ou de quelque chose qui repose sur un fond de vérité ? Bon, je crois que je voudrais pas être cruel, mais c'est quand même plutôt du côté du cliché. On dit toujours, le médecin n'est payé qu'une fois que le malade est guéri. Il n'y a pas de rapport d'argent, que tout est idéal en quelque sorte. Bon, en fait, je crois que ça rejoint une conception. Idéal de cette médecine chinoise, mais aussi, bon, il y a un certain nombre d'assertions qui rejoignent, je trouve, les traités de l'art militaire. On dit toujours que, on disait pendant l'Antiquité chinoise, que le bon général est celui qui l'emporte sans avoir à mener la bataille. Et idéalement, le bon médecin, c'est celui qui fait que on n'a pas besoin de lui, en quelque sorte. C'est parce que c'est celui qui a permis au patient d'être en bonne santé, d'ailleurs de garder son équilibre. Et c'est pour ça qu'il y a toute une tradition aussi qui commence à être connue en Occident, qu'on appelle Yangsheng, qui est c'est une partie hein, des écrits médicaux. C'est nourrir la vie, nourrir le principe vital, et ça consiste à des préceptes sur la vie quotidienne, aussi bien sur la diététique, sur la façon de se loger, de dormir, d'avoir des relations sexuelles au bon moment. Vous voyez, il y a tout cet ensemble qui permet de rester en bonne santé. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, on dit souvent aujourd'hui que l'important, c'est pas tellement de soigner, mais ce serait une médecine de prévention. Alors, le concept de prévention n'existe pas vraiment dans la médecine chinoise ancienne, mais l'idéal, c'est que le corps est en bonne santé, donc il ne sera pas atteint par des déséquilibres. Avec cette importance accordée donc à l'activité physique, pour utiliser un mot un peu anachronique, en tout cas au mouvement corporel, au massage aussi. Frédéric Aubringer, le massage fait partie de cette vision nécessaire, alors non pas à la guérison, mais à éviter la maladie. Il faut maintenir le corps en bonne santé. Oui, ben le massage, je pense que c'est d'une façon plus fondamentale encore. Dans cette conception du corps en Chine, ce qui est important, c'est qu'il y ait une attention au corps, à tous les petits, aux signes et au rapport entre la vie quotidienne. Alors, c'est particulièrement vrai, par exemple, pour la nourriture. Aujourd'hui encore, si vous parlez avec des amis chinois, ils vous diront, ah ben, on prend ça, mais il faut pas mélanger ça avec ça, et puis tel médicament, ah mais c'est bon, tel aliment, enfin tel céréale par exemple, ou tel légume, ah ben ça c'est bon pour ça, ça c'est bon pour ça, on va faire une soupe, c'est bon pour ça. Et donc il y a vraiment une attention au corps qui est vraiment caractéristique pendant tout au long de l'histoire chinoise. Alors il y a les massages, mais il y a aussi ce qu'on appelle, je sais pas, des pratiques gymniques, presque de gymnastique ou de danse. C'est le qigong, le tai chi chuan, enfin qui est maintenant, il y a des cours partout, tout ça. Mais on a retrouvé dans des tombes que j'évoquais tout à l'heure, qui datent du deuxième siècle avant Jésus-Christ, tous ces mouvements que alors on fait l'ours, on fait le tigre, on fait, vous voyez, toutes ces danses qui étaient là pour rester en bonne santé et harmoniser le corps avec cette conception de liaison avec le cosmos aussi. Frédéric Aubringer, vous nous rappelez l'histoire en fait de ces pratiques liées à la médecine, à la guérison en Chine, avec cette complexité évidemment de l'étendue du territoire et puis des évolutions hein, liées à la chronologie bien sûr. Il y a un autre aspect qui est intéressant sur le rapport que l'Occident a à la culture chinoise, c'est la découverte de cette culture médicale qui a dû sembler extraordinaire. Bon, évidemment, pour cela, il y a la barrière de la langue. Justement, pour évoquer cette barrière de la langue, je vous propose d'aller à la rencontre des trois mandarins. Oui, les trois mandarins, chantés par Ray Ventura et ses collégiens dans le cours de l'histoire sur France Culture. Français de bonne mine rapportait de son voyage en Chine mille souvenirs très précieux sur le langage étrange de ses fils et cieux. Il paraît qu'un jour de fête, il alla muni d'un interprète présenter ses voeux à trois mandarins avec lesquels il voulait bavarder un brin. À la porte, dès qu'il apparut, les trois mandarins juste à terre s'inclinèrent en un profond salut et d'une même voix lui récitèrent Ding ling ling fucheu, pechuel et pechili sankeu, ping et pong et wing et wong et ho un po, fucheu sintao, fucheu sintao, et ting et pao, ting et sucheu, peifu, et toc, un point c'est tout. Cette allocution abstraite ayant paru clair à l'interprète, il dit simplement d'un ton pénétré, voici la traduction, l'on vous a dit, entrez. Quoi, c'est tout? Dit le français surpris, un seul mot traduit leur parabole. Leur croyant qu'ils n'avaient pas compris, les mandarins reprirent la parole. Ding ling ling fucheu, c'est chouen et pechili hankeu, ping et pong et wing et wong et po un po, fucheu sintao, fucheu sintao, et singe pao singe sucheu peifu. Et toc, un point c'est tout. Les trois mandarins chantés par Ray Ventura et ses collégiens dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Inès de Bruyne. Aujourd'hui, nous parlons de la Chine et de ses médecins. Frédéric Aubringer, il y a eu un choc culturel évident quand les Occidentaux sont arrivés en Chine, quand les Jésuites notamment ont commencé à écrire toutes leurs lettres de Chine et à dire ce qu'il se passe dans ce pays lointain qui fascinait beaucoup. À quel moment, en fait, l'Occident a porté un regard, au-delà du curieux, j'ai envie de dire plus sérieux, sur la médecine en Chine? C'est surtout à partir, on pourrait dire, du XVIIe siècle. On avait déjà parlé, hein, il y a des voyageurs, hein, même des missionnaires auparavant qui avaient évoqué un tout petit peu ces pratiques médicales en Chine. Mais les premiers textes importants et les premiers témoignages, c'est à partir du XVIIe siècle, avec à la fois en effet ces missionnaires jésuites, mais pas simplement des jésuites. Et puis il y a aussi des médecins hein, qui sont partis en Chine et au Japon. Et à partir de ce moment-là, il y a une véritable, en effet, fascination. Vous venez d'utiliser le terme curieux, justement, à un moment au XVIIe, au XVIIIe siècle, cette curiosité était vraiment quelque chose de très important, mais c'est un concept, libido sciendi, c'est-à-dire la curiosité, c'est le moteur de l'activité intellectuelle, et il y a une véritable curiosité au sujet de ces pratiques en Chine. Alors, il y a un point qui a absolument fasciné les médecins en Occident, c'était sur l'art de prendre les pouls. Parce que on avait l'habitude en Occident de prendre les pouls, et on savait qu'on prenait les pouls aussi en Chine, mais d'une façon un peu différente. Voilà ce qui a d'abord fasciné les Occidentaux, ou la curiosité autour de la pharmacopée. Et très très vite, par exemple, le ginseng, hein, qui est bien connu aujourd'hui en Occident, dès le XVIIe siècle, cette plante aux vertus, qu'on disait, enfin de panacée, aux vertus miraculeuses, était connue à tel point que la première thèse de médecine qui était soutenu à Paris sur le ginseng date de 1736. Alors, vous voyez que c'est une vieille histoire, cette histoire de ginseng, par exemple. C'est une vieille histoire. Alors, dites-nous, Frédéric Aubringer, il faut se méfier en français de l'homophonie. Et c'est vrai que pour prendre les pouls, nous sommes bien d'accord que ce sont les pulsations, en fait, cardiaques. Il n'y a rien à voir avec les parasites capillaires ou avec un mariage. Ça n'a rien à voir, en effet, avec Marie-Rose, c'est ça. Non, mais c'est intéressant parce que le pouls a quelque chose qui est lié évidemment à la circulation sanguine et qui là nécessite une connaissance particulière du corps. Nous savons qu'en Occident, la dissection a posé pendant des siècles un vrai problème. Et puis, même avec la dissection, il est difficile de comprendre comment fonctionne un corps. Est-ce que les connaissances chinoises sont venues enrichir les connaissances occidentales ? Elles sont venues... Sinon les enrichir, mais elles ont été utilisées, et c'est pour ça qu'au XVIIe siècle, avec ces histoires de découverte de la double circulation avec de Harvey, il y avait une remise en cause de toute la vulgate galéniste, en quelque sorte, en Occident, au sujet de ces histoires de circulation sanguine et tout ça. Et les médecins occidentaux, comme ils étaient en un certain nombre et remettaient en cause les conceptions anciennes en Occident, ils se sont dit ben voilà, peut-être que les Chinois vont nous apporter en quelque sorte du grain à moudre pour notre contestation. Et c'est vraiment comme ça que ça a été senti et dit voilà. Bah, les Chinois disent ça, vous voyez bien donc que c'est nous qui avons raison et que Galien avait tort. Alors justement, Frédéric Aubringer, je vous propose d'écouter la lecture par Élodie Hubert d'une lettre. Oui, une lettre, alors c'est une des lettres même, écrite par Jean-Baptiste Boyer d'Argent dans ses Lettres chinoises, un ouvrage paru en 1751, donc nous sommes en plein siècle des Lumières, un ouvrage dans lequel Jean-Baptiste Boyer d'Argent évoque ce monde particulier qu'est la Chine dans sa correspondance philosophique, historique et critique entre un Chinois voyageur à Paris et ses correspondants à la Chine. Et l'auteur imagine le récit que ferait un voyageur chinois à son ami resté en Chine à propos de la médecine occidentale. Au lieu de s'appliquer à connaître la nature de mon mal par une observation attentive du battement de mon pouls, il me toucha fort légèrement au poignet. Après quoi il s'amusa à me faire des questions. Il me demanda depuis combien de temps j'étais malade, quels avaient été les premiers symptômes de cette maladie et mille autres questions de cette nature. Après toutes ces précautions, il se prononça sur la nature de ma maladie. Tout ce manège, cher Inchechan, m'avait mis de fort mauvaise humeur. Quoi, me disais-je en moi-même ? Est-ce là un des plus habiles médecins de la ville ? Quel jugement dois-je porter sur les autres, puisque celui-ci n'a pu connaître la nature de mon mal qu'après que je lui en ai appris jusqu'aux moindres particularités? Je faisais ensuite la comparaison de nos médecins avec ceux-ci, et je trouvais que les nôtres méritaient la préférence. Quand ils se font appeler chez un malade, ils appuient d'abord leurs bras sur un oreiller et appliquent ensuite quatre doigts le long de l'artère, tantôt mollement, tantôt avec force. Ils mettent un temps considérable pour examiner les battements et y démêler les différences, aussi imperceptibles soient-elles. Ainsi, ils découvrent la source du mal, de sorte que, sans interroger le malade, ils lui disent en quelle partie du corps il sent la douleur et si c'est le foie ou la rate qui sont attaqués. Ils lui annoncent quand la tête sera plus libre, quand il recouvrera l'appétit, quand l'incommodité cessera. Mon médecin n'avait point eu assez d'habileté pour démêler tout cela par le battement de mes artères. Il semblait même qu'il ne m'étâtait le pouls que pour la forme, et qu'il ne faisait aucun cas de ce moyen unique et infaillible de connaître l'état de son malade. Il avait mieux aimé s'en rapporter à ce que je lui disais que de se donner la peine de le découvrir lui-même. « Lecture par Élodie Hubert d'un extrait des Lettres chinoises de Jean-Baptiste Boyer d'Argent. Ici, nous avons quand même un contraste. Alors, saisissant, c'est rigolo parce que c'est le procédé, un classique au XVIIIe siècle, d'utiliser un regard extérieur pour critiquer sa propre société. Mais ça illustre très bien ce que vous nous expliquiez, Frédéric Aubringer. Il y a vraiment un regard sur la Chine, mais qui en fait permet surtout de parler de l'Occident. Oui, ça évidemment, c'est tout à fait cette utilisation de la Chine, tout particulièrement dans ce siècle vraiment sinophile que fut le XVIIIe siècle. Mais ce qui est aussi assez intéressant, c'est que là, ce serait éventuellement la description de la médecine occidentale racontée par un voyageur chinois en Occident, mais que les missionnaires sur place en Chine, je pense à un dénommé Lecomte, qui a écrit un livre très fameux à la fin, paru en 1692, les nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine, du père Louis Lecomte. Et dans cet ouvrage, il parle de ce qu'il a observé en Chine au sujet de la pratique des médecins. Et il dit, bon, ben voilà, parfois c'est vraiment bizarre, on est un peu étonné. Mais souvent, il dit, bah, après tout, de toute façon, il y a franchement pas plus de morts en Chine qu'en Occident. Donc. Et puis, au fond, ces médecins, c'est exactement pareil que chez nous. C'est-à-dire qu'ils sont là pour vanter leurs pratiques, mais ils sont pas plus efficaces que les nôtres, mais ils le sont certainement pas moins. Frédéric Aubringer, pourrait-on dire qu'il y a un changement de regard au XIXe siècle? J'évoquais au tout début de cette émission un ouvrage paru en 1863, celui de Philibert Dabry de Tiercent. Et puis il y en a d'autres, il y a celui d'Abel Rémusat, enfin en tout cas il y a l'œuvre d'Abel Rémusat. Et en regardant un peu sur Gallica, donc le site de la Bibliothèque Nationale, le site d'ouvrages numérisés, il y a pas mal de publications au titre « Médecine chinoise »,« La Chine » ses médecins, les médecins chinois, etc. Au XIXe siècle, il y a un regard particulier, autre, porté sur ce qui se passe en Chine quand il est question de soigner les gens. Oui, mais bon, au XIXe siècle, c'est un siècle très long. Donc, je pense que c'est pas pareil au début du XIXe siècle et après, à la fin du XIXe siècle. Bah, le texte que vous avez lu d'Abry de Tiercent, c'est intéressant. Il reprend tout à fait ce qu'avaient dit les missionnaires jésuites sur la médecine chinoise. Donc, il reprend des traductions sur le yin, le yang, mais la chaleur vitale, l'humide radical, qui ont été mises en place au XVIIe siècle. Pour ce qui est d'Abel Rémusat, alors ça c'est absolument fascinant parce que en 1814, il y a la création de la première chaire autour, disons, de la civilisation chinoise au Collège de France, et c'est ce dénommé Abel Rémusat. On a fêté il y a pas si longtemps que ça le 200e anniversaire de la création de la chaire au Collège de France sur la Chine, et il se trouve que Abel Rémusat était aussi médecin. Et il a soutenu une thèse sur, entre autres, le diagnostic par les Chinois selon l'aspect de la langue. Il compare ces pratiques avec ce qu'on trouvait aussi dans la tradition hippocratique et galénique. Il s'est intéressé à ça. Il s'est intéressé aussi après à ce qui a été une sorte de mode vraiment très très étonnante au sujet de l'acupuncture pendant une dizaine d'années entre 1815 et 1825. Et là, il y a une sorte de frénésie. Le père du compositeur Hector Berlioz, qui était médecin, Berlioz, est un des premiers à avoir revendiqué d'avoir pratiqué l'acupuncture dans un ouvrage en 1816, et dit, bah voilà, moi j'ai utilisé l'acupuncture parce que je savais pas comment soigner cette pauvre jeune femme, et j'ai dit, comme j'avais lu des choses dans des ouvrages au XVIIIe siècle qui témoignaient de cette pratique en Extrême-Orient, dit, bah je vais essayer, et puis ça marche, c'est extraordinaire. Alors bon, c'est une pratique un peu particulière de l'acupuncture, parce qu'il fallait enfoncer des aiguilles à coudre dans le ventre, enfin bon, c'était Je passe les détails. Bon, en revanche, alors là, il y a eu vraiment une sorte de mode extraordinaire, avec même la découverte, enfin la création de l'électroacupuncture, parce qu'on a commencé à essayer de réfléchir à l'utilisation de l'électricité aussi dans le domaine thérapeutique. Et puis petit à petit, je crois qu'il y a eu, il y a certainement des exceptions, mais de plus en plus une vision qu'on pourrait appeler colonialiste, ou de non plus de sinophilie, mais au contraire de rejet de toute cette tradition chinoise, en disant voilà, tout ça, ce sont des superstitions, parce que ça accompagnait à la fois la volonté de puissance occidentale, enfin dans sa, la guerre de l'opium, et puis le sac du palais d'été quand même, c'est bon, des choses assez épouvantables, mais aussi ça rejoint ce qu'on disait pour le 18e siècle. Au 19e siècle, il y a aussi l'affirmation d'une sorte de, je sais pas, de révolution médicale en Occident, qui veut en finir avec les anciennes traditions galéniques, et d'une certaine façon la Chine est mise un peu sur le même niveau, c'est-à-dire il faut en finir avec tout ça et ce sont des superstitions et maintenant nous faisons de la science réelle, et c'est vraiment l'affirmation du scientisme, quoi. Et là, il y a une condamnation, il y a plus du tout d'intérêt, sauf exception, pour cette tradition chinoise, qui est rejetée, vraiment, dire, ce sont des superstitions. Ça, c'est le regard occidental qui rejette ces traditions chinoises comme superstition, comme elle rejette tout ce qui vient du passé. C'est une époque positiviste, la science progresse, la science va tout résoudre, et puis on oublie certaines choses venues d'avant. Mais comment cela se passe-t-il en Chine? Est-ce qu'en Chine également, il y a un rejet de la médecine, on va dire traditionnelle, pour regarder ce qu'apporte l'Occident? Où est-ce qu'elle demeure? Alors là encore, j'imagine qu'on ne peut pas donner une réponse globale, parce que la Chine est un grand territoire, et puis selon la place que l'on occupe dans la société, ce n'est pas du tout la même réponse, j'imagine. Mais il y a des changements, et je pense notamment liés aux changements politiques que connaît la Chine. Alors là, nous sommes principalement au XXe siècle. Oui, il y a une évolution, parce que chez les intellectuels chinois, à partir de la fin du 19e siècle, après ces histoires de guerre de l'opium, enfin de défaite militaire, hein, de cette grande civilisation chinoise face à l'Occident, il y a un certain nombre d'intellectuels qui se sont dit ben voilà, nous avons perdu parce que nous ne maîtrisons pas de la même façon la science et la technique que les Occidentaux. Donc l'idée ça a été, nous allons nous y mettre nous aussi à cette science et à cette technique occidentale, en rejetant pour une certaine partie de ces intellectuels toute la tradition entre autres médicale chinoise, à tel point que après la chute de l'empire chinois, donc en 1911, il y a un certain nombre d'intellectuels qui ont considéré que cette médecine chinoise, là encore, c'était une histoire de superstition, et qu'on a même proposé, je crois, en 1929, hein, il y a eu un projet qui visait à proscrire l'enseignement et l'exercice de la médecine chinoise. Hein. Et ce sont des intellectuels tels que Kuomo Zhuo ou Lu Xun qui vraiment assimilaient ces pratiques à des superstitions, de divination d'un autre âge. Alors, ça n'a pas pris, parce que la conception du corps, la conception de la maladie, c'est pas quelque chose qu'on fait disparaître comme ça. Mais il y a eu cette tendance, et ça a continué après avec la prise du pouvoir par en 1949 par les communistes, par Mao Tse-tung. Il y a eu une, tout à fait au début, c'était encore une vision, on pourrait dire, positiviste encore et scientiste, où il fallait faire de la science moderne. Et puis petit à petit, il y a eu la reprise en compte de tout ce trésor national, en quelque sorte, qu'était la médecine chinoise. Et on a eu, au contraire, petit à petit, une valorisation de cette médecine, tout en continuant à développer ce qu'on appelle, disons, la biomédecine. Donc ça a été un développement parallèle, mais c'est une histoire qui évolue d'année en année, on pourrait dire, en quelque sorte. Et aujourd'hui encore, on a des polémiques continuelles, hein, autour de la médecine chinoise, en Chine même. C'est cela qui est intéressant, hein, Frédéric Aubringer, c'est ce « je t'aime moi non plus » que les Chinois, ou en tout cas le pouvoir chinois, entretient avec sa médecine traditionnelle. Alors je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Itinéraire, c'est sur Antenne 2, c'était sur Antenne 2, en février 1987, Itinéraire en Chine, chez le médecin Long Boy. Je suis médecin depuis 30 ans, et je viens juste d'ouvrir un dispensaire dans ma propre maison. J'ai fait construire ces placards et j'ai acheté plus de 300 types d'herbes médicinales, ce qui est suffisant pour fabriquer la plupart des remèdes que je prescris. Ces quatre herbes constituent ce que l'on appelle la soupe des quatre gentilshommes. J'ai aussi quelques plantes rares et chères. Ce sont les joyaux de ma collection. Les plantes indispensables pour soigner les problèmes nerveux. Le papier avec lequel j'emballe les médicaments, ce sont les vieilles ordonnances de mon père. Je possède aussi du mercure. C'est un poison. Mais il entre dans la composition de certaines pommades. C'est de l'or pur. On l'utilisait beaucoup autrefois. Un extrait de l'émission Itinéraire sur Antenne 2 en 1987, émission qui suivait ce médecin chinois, un médecin qui revient à la médecine traditionnelle. Alors, en l'occurrence, là, c'est une médecine qui s'appuie beaucoup sur les plantes, sur les minéraux, donc on est plutôt dans une pharmacopée gigantesque. Frédéric Aubringer, le rapport que les Chinois entretiennent avec leur médecine est aussi un élément, et vous l'avez évoqué, d'identité. C'est notre médecine, cela renforce leur identité. Le retour de la médecine traditionnelle dans quelque chose de bien vu par le pouvoir, parce que la médecine traditionnelle est enseignée encore aujourd'hui en Chine, cela peut s'expliquer aussi par cette fierté légitime, hein, d'avoir un savoir alors présenté comme ancestral, mais qui n'est peut-être pas si ancien que ça. Oui, il y a une fierté, hein, qui rejoint des courants très forts qu'on pourrait appeler aujourd'hui de nationalisme. Mais il y a cette fierté qui est toujours matinée de recherche de l'efficacité. Hein. Donc, c'est-à-dire que on se dit, après tout, on a cette conception du corps, mais on a aussi la médecine occidentale, hein, qui a une réelle efficacité. Et pourquoi on ne mélangerait pas les deux, quoi, en quelque sorte, hein. Et c'est ce que font la plupart de nos amis chinois, hein. C'est-à-dire que on se soigne malgré tout d'une façon principale par la médecine occidentale, hein, je crois que dans les années autour de 2010, il y avait quelque chose comme entre 5 et 6 millions de médecins qui pratiquaient la médecine occidentale, alors qu'il n'y avait qu'environ 400 000 médecins de médecine qu'on appelle traditionnelle chinoise. Donc vous voyez, il y a quand même une prédominance de cette médecine occidentale, mais ça n'exclut pas d'avoir recours aussi à cette médecine chinoise. Et alors, pour ce qui est de la fierté, on pourrait dire aussi que cette médecine chinoise a été l'instrument pour je sais pas si on peut dire des luttes de pouvoir au niveau on peut le dire, je crois quand même, au niveau de la géopolitique. Et je pense par exemple à cet élément qui a été inscrit en 2010 par l'UNESCO pour ce qui est de sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, hein, ce qui n'est pas rien. Et il y a un élément qui a été inscrit après quand même tout un travail très très important des autorités chinoises. Cet élément, c'est l'acupuncture et la moxibustion de la médecine traditionnelle chinoise, qui est donc cet élément est inscrit sur cette liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc vous voyez que c'est quand même, et c'était la première médecine entre guillemets traditionnelle qui était inscrite au niveau mondial pour le patrimoine culturel de l'humanité. C'est vraiment l'affirmation de cette tradition. Et on l'observe en Occident, on l'observe aussi dans un certain nombre d'actions, de créations, même d'hôpitaux de médecine traditionnelle en Afrique, hein, par les Chinois. Donc, vous nous avez présenté ce matin, Frédéric Aubringer, dans le cours de l'histoire, un élément du patrimoine immatériel de l'humanité, cette médecine chinoise qui nous a offert un voyage incroyable, hein, de 28 siècles avant Jésus-Christ à nos jours, avec cette idée de mélange, en fait, et je retiens ça, hein, de la médecine traditionnelle et de la médecine occidentale. En fait, nous retrouvons cette idée de yin et de yang, tout est question d'équilibre. Merci beaucoup, Frédéric Aubringer. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Très bonne journée à vous. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont, Camille André, Camille Rijade, une émission dont la programmation est assurée par Amélie Perrault. Demain, programme religieux du jeudi de l'Ascension, mais nous nous retrouvons vendredi pour partir en Égypte, oui, en Égypte pharaonique pour soigner, mais non pas les momies, pour soigner les vivants.